Chapitre 2e. En épousant Mademoiselle de Guise, le duc de Richelieu s'alliait à la maison d'Autriche. Le petit-neveu du grand ministre qui avait fondé sa gloire et la suprématie de la France par l'abaissement de la famille de Habsbourg rattachait ainsi le modeste écusson de ses ancêtres à l'antique blason des princes de Lorraine. L'ambition de Richelieu était satisfaite, tous ses vœux étaient comblés, et dans sa fièvre d'orgueil, il apercevait peut-être dans l'avenir l'héritage politique du cardinal de Richelieu. Louis XV, en effet, avait dans le caractère plus d'un point de ressemblance avec Louis XIII. C'était la même indolence, le même effroi des affaires, la même lassitude des devoirs et du décorum de la royauté. Pourquoi un tel prince, façonné à l'oisiveté par les soins du vieux cardinal de Fleury, ne transmettrait-il pas volontiers les ennuis et les embarras du gouvernement à un courtisan aimé, d'un nom cher à la nation, et qui venait, par une alliance illustre, d'ajouter un nouveau fleuron à la couronne ducale forgée par le génie du vainqueur de La Rochelle? Toutes ces idées, et bien d'autres encore, germaient dans la tête de Richelieu, qui, tout affamé de plaisir qu'il était, tout esclave de ses passions qu'il se montrait souvent, n'en était pas moins l'homme le plus avide de renommée de tous les genres et de toutes les natures. Richelieu voulut être homme de lettres à la manière de Voltaire, et il se fit nommer académicien. Richelieu voulut être homme de guerre à la façon du comte de Saxe, et il se fit faire maréchal de France. Il voulut être ministre et premier ministre, mais les faveurs de la fortune s'arrêtèrent pour lui au seuil du conseil. Il ne devint qu'ambassadeur. Toutefois, en unissant son sort à Mademoiselle de Guise, Richelieu n'avait point exclusivement obéi à des considérations d'orgueil et d'ambition. Un sentiment plus vif et plus tendre avait déterminé son choix. Richelieu aimait Mademoiselle de Guise d'un amour véritable. Ce dominateur de boudoir, ce conquérant infatigable, ce héros des bosquets de Marly et de Trianon, avait été subjugué à son tour par les angéliques perfections de la châtelaine de Beaujeu. Qui pouvait au reste plus sûrement opérer ce miracle que cette femme, dont la splendeur du berceau n'était que le moindre mérite? Mademoiselle de Guise était belle, mais de cette beauté souverainement parfaite qui commande le respect plus encore que l'amour. Sa taille était haute et bien prise. Son torse offrait cette vigueur celtique que l'on remarque dans les vieilles races de la France, et qui se révèle aussi bien dans la structure de Jeanne d'Arc que dans les portraits en pied d'Agnès Sorel et de Diane de Poitiers. Ses mains, d'une blancheur éblouissante, avaient quelque analogie avec celle de cette reine Berthe, dont les anciens chroniqueurs nous ont laissé de si naïves descriptions. On devinait que ses doigts si effilés, ses phalanges si souples devaient, dans l'occasion, se servir également bien de la quenouille et de l'épée. Le visage de Mademoiselle de Guise était admirablement régulier. Une chevelure noire et abondante encadrait la surface lisse et blanche d'un front olympien, et des yeux pleins d'intelligence et de feu répandaient sur l'ensemble de cette physionomie charmante les poétiques reflets de la noblesse de l'esprit. La châtelaine de Beaujeu, unique et dernier rejeton de cette grande famille des Guise, émondée si souvent par le poignard des guerres civiles et par le mousquet des ennemis, semblait être, dans sa ravissante jeunesse, une page immortelle de notre histoire nationale. À ses attraits périssables, à ses dons séduisants de la nature qui n'ont qu'une durée éphémère, Mademoiselle de Guise joignait les qualités plus solides du cœur et de l'esprit. Elle avait surtout dans le caractère la résolution et la fierté des personnes de sa race. Mais la mâle énergie de ses sentiments ne faisait aucun tort aux vertus, apanage ordinaire de son sexe. Elle était bonne, indulgente, accessible à toutes les émotions généreuses, et sa charité, à elle si réservée dans les dépenses de sa maison, allait parfois jusqu'à la prodigalité. D'une intelligence supérieure, d'un esprit délié, légèrement enclin à la raillerie, elle eut brillé au premier rang à la cour où sa naissance lui assignait déjà une place distinguée, si elle n'eût pas constamment préféré, fille ou femme, le bonheur de vivre libre dans sa magnifique solitude, aux avantages périlleux d'étaler à Versailles le pompeux éclat d'un grand nom, d'une grande vertu et d'une grande beauté. La marquise de Graffigny, l'ingénieuse auteure des lettres péruviennes, a fait en trois lignes l'éloge de Mademoiselle de Guise, et nous ne pouvons mieux terminer notre pâle et imparfaite esquisse qu'en les citant. Mademoiselle de Guise, dit Madame de Graffigny, est l'ornement de notre siècle. C'est le plus bel assemblage qu'on ait jamais rencontré de la grâce, de la vertu, des perfections du corps et de l'âme. Le nom de Guise sera éternellement en honneur dans les fastes militaires de la France. mais la gloire de cette noble famille n'eût pas été complète si, commencée par un soldat, elle n'eût pas fini par une sainte. La chaste mademoiselle de Guise, la sainte, comme l'appelle la marquise de Graffigny, va donc épouser monsieur le duc de Richelieu. L'enfer se dispose à pactiser avec le paradis. Ainsi que l'avait annoncé le vieux maître d'hôtel aux émissaires de Richelieu, mademoiselle de Guise se rendit, en quittant son procureur fiscal, dans la salle des trophées. La châtelaine était accompagnée de deux de ses plus chers amis d'enfance, mademoiselle de Bussy et de Soyoucourt, la première chanoinesse au chapitre royal de l'Argentière, la seconde élève de la maison de Saint-Cyr, fondée jadis par madame de Maintenon. Mademoiselle de Guise avait fait venir au château de Beaujeu ses deux jeunes filles pour goûter avec elle les derniers plaisirs de l'indépendance virginale, douces et touchantes épaves d'une contubernalité naufragée. Rieuses, folles et gaies, comme on l'est à 20 ans, les trois amies entrèrent en dansant dans la salle des trophées, et le premier objet qui s'offrit à leurs yeux fut le présent magnifique de monsieur le duc de Richelieu. « Ah, chère Guise !» s'écria madame de Bussy, car les chanoinesses, quoique célibataires, s'appelaient madame. « Ah, chère Guise, les jolis coffres, la belle corbeille !» Madame de Bussy avait à peine proféré ces paroles que mesdemoiselles de Guise et de Soyoucourt étaient déjà à contempler les chefs-d'œuvre de l'industrie et du goût parisien. « Ces merveilles sont-elles donc descendues du ciel ?» dit ingénument l'élève de Saint-Cyr. « Enfant !» repartit la chanoinesse. « Ne vois-tu pas que c'est la corbeille de mariage envoyée par le très magnifique et très galant duc de Richelieu ?» Un nuage de pourpre couvrit les joues de mademoiselle de Guise. « Oh, madame la duchesse !» fit mademoiselle de Soyoucourt en joignant les mains et en souriant malignement. « Madame la duchesse, je ne suis pas encore Soyoucourt !» repartit mademoiselle de Guise en baissant les yeux. « Oh, vous le serez dans quelques heures !» Ainsi donc, ne m'interrompez pas, madame la duchesse, visitez donc tout de suite, devant nous, ces coffrets, cette corbeille, qui doivent renfermer tout ce qu'il y a de plus joli, de plus mignon, de plus attrayant au monde. Je ne commets pas d'indiscrétion, Guise, au moins, ajouta la jeune fille d'un air narquois. Ceci ne fait pas partie, je présume, des secrets du ménage. Non, tu n'es pas indiscrète, répondit la châtelaine de Beaujeu. Ton désir est légitime, ta curiosité est naturelle, et je vais la contenter. Si toutefois Bussy ne s'y oppose pas. Eh, au contraire, je crie autant que Soyoucourt de voir et de toucher tous ces trésors, dit la chanoinesse. Il y a des jours, des heures, des circonstances où les femmes les plus sensées payent un tribut à la faiblesse de leur sexe, à la vanité léguée par Ève à sa coquette postérité. Mademoiselle de Guise se trouvait dans un de ces moments-là. Elle ouvrit d'abord les deux coffrets de laque, et admira aussi sincèrement que ses compagnes tous ces colifichets fastueux, toutes ces inutilités ravissantes que le génie pauvre fait payer au poids de l'or à l'oisiveté opulente. Il y a telle femme qui s'extasie devant une étagère surchargée de magots, d'amphores naines, de coupes, de noix dalmates, de style andalou, comme un touriste se prosterne devant une fresque de Raphaël au Vatican ou d'une toile de Gérard Dow et de Rembrandt dans la galerie du duc d'Arembert à Bruxelles. Le tour de la corbeille arriva bientôt. Les assiégeants avaient enfoncé les ailes avant d'attaquer le corps de bataille. Mademoiselle de Guise retira tour à tour de cette corbeille des étoffes de Perse, de Singapour et de Damas, des dentelles de Valenciennes, de Brabant, d'Angleterre et des points de Venise, des éventails d'ivoire, rivaux de la dentelle, auxquels les meilleurs peintres en miniature de l'époque avaient attaché leur plus suave fantaisie, des boîtes d'or à mouches, à tabac, à bonbons, ciselées par le fameux orfèvre Germain, célébré par Voltaire, des gants de Suède et du Mexique, une peau de lion de Numidie taillée à l'antique et rehaussée de deux plaques d'or aux armes des maisons de Guise et de Richelieu, des parfums d'Espagne, de Provence et d'Arabie, des flacons de cristal taillés dans les grottes de Syrah et dans les cavernes de l'Asie mineure, des bracelets, des bagues antiques, des camées précieux, et au milieu de ce fretin de bijoux, de ce fouillis de topaze, de cornaline, d'émeraude, d'améthyste et de rubis, un écrin, écrin royal s'il en fut, contenait une rivière de diamants, des pendants d'oreilles, un collier et un simple anneau d'or, l'anneau nuptial. L'anneau d'or avait été fabriqué dans le cloître Notre-Dame. Les diamants étaient ceux du cardinal de Richelieu, qui en possédait à sa mort pour 3 millions. Au fond de la corbeille, Mademoiselle de Guise trouva une bourse de velours vert à gland d'or, armoriée, sur laquelle étaient brodés ces mots en caractère d'argent, pour les menus plaisirs de Madame la Duchesse de Richelieu. Elle ouvrit la bourse et y trouva 500 doubles louis d'or, 24 000 francs. Mademoiselle de Guise médita quelques instants, puis partant d'un long éclat de rire, « Ah, mes bonnes amies, s'écria-t-elle, une idée. Monsieur de Richelieu n'arrive ce soir ici qu'à 11 heures et il est... » Ici l'horloge du manoir, comme pour faire sa cour à la châtelaine, se chargea de la réponse et se mit à sonner 7 heures. « 7 heures, fit Madame de Bussy. « Nous avons donc encore 4 heures devant nous, » reprit Mademoiselle de Guise. « Tâchons de les bien employer, mes bonnes amies. »« Mais dis-nous donc ton idée, » dit Mademoiselle de Soyaucourt. « Mon idée, la voici, » répliqua Mademoiselle de Guise. « Vous rappelez-vous, mes amis, quel était notre divertissement de prédilection ?» Lorsque nous allions passer ensemble nos vacances chez notre bonne et vénérable marquise d'Antin, abbesse de Fontevraud. « Nous faisions des beignets !» s'écrièrent les deux jeunes filles. « Je ne suis pas encore duchesse de Richelieu, » dit en soupirant la châtelaine de Beaujeu. « Je suis encore mademoiselle de Guise, et pour preuve, mes bonnes amies, je vais encore faire des beignets avec vous. »« Faisons des beignets !» exclamèrent les trois jeunes filles en se frappant les mains en signe d'allégresse. « Faisons des beignets !»